une histoire particulière. Le plastique, c'est fantastique, il paraît. C'est ce que nous racontaient hier Alain Lefkovitch et Nathalie Battus dans le premier épisode de notre histoire documentaire en deux épisodes de ce week-end. C'était, souvenez-vous, désir humain d'inhumain. Mais cela parlait de quoi exactement ? Eh bien de ces hommes qui vivent avec des poupées grandeur nature, ces love dolls qui nous viennent du Japon, tellement bien imités qu'on dirait des vrais. Mais des vrais quoi ? Des vraies femmes ? Mais alors c'est l'histoire d'hommes qui préfèrent vivre avec des poupées en silicone plutôt qu'avec des femmes ? Et des femmes avec des hommes en silicone, c'est possible ? Aujourd'hui, le second épisode sera technologique. Nous partons à la rencontre des humanoïdes de demain, dans la vallée de l'étrange. Attention robots, gare à l'anthropomorphisme, on finirait par vous aimer. Années-lumière du jour où effectivement il y aura des humanoïdes autonomes qui se promèneront dans la rue et qu'on ne pourra pas distinguer des êtres humains. On est en complète vallée de l'étrange, comme disait Maury. Maury avait cette théorie qui était assez intéressante. C'est l'idée qu'a priori, plus vous fabriquez un robot qui a une forme humaine, plus vous créez de l'empathie chez l'utilisateur. Mais il y a un moment où, quand vous rapprochez trop de l'humain, vous créez l'effet inverse qui est un effet de répulsion. Désirs humains d'inhumains. La vallée de l'étrange. Une histoire particulière de Nathalie Battus et Alain Lefkovitch. Il y a un peu quelque chose qui ressort du théâtre. Dès que les machines se mettent en mouvement, il y a quelque chose qui ressort un peu de la marionnette. Et c'est assez frappant et en même temps assez troublant parce que quand on voit les chercheurs, par exemple, chercher à imiter des émotions, à faire sourire une machine ou à la faire froncer des sourcils, exprimer un sentiment qu'elle est d'ailleurs incapable d'éprouver, c'est déjà en soi quelque chose d'assez spectaculaire. Après, quand on est confronté à des dispositifs qui imitent, qui font comme si elles éprouvaient vraiment des sentiments, alors là, ça nous plonge dans un trouble assez profond, et donc on est prêt à transposer à la machine tout ce que nous, on est capable d'éprouver, et donc à la trouver intelligente, à la trouver parfois même inquiétante, parce que imaginer qu'un artefact construit par des humains puisse éprouver quelque chose, ça nous confronte tout de suite à tout un ensemble de créatures qu'on connaît par ailleurs et qui nous effraient. I want to use my artificial intelligence to help humans live a better life. Like design smarter homes, build better cities of the future, etc. I will do my best to make the world a better place. Okay, another question I have for you. In many parts of the world, people don't have internet or electricity. What can we do at the UN to help them? The good news about AI and automation produces more results with less resources. So if we are smarter and focus on win-win type results, AI could help efficiently distribute the world's existing resources, like food and energy. As humans harness the power of increasingly advanced AI, it is possible that everything, including technology, will become more evenly distributed. Thank you very much, Sophia, and welcome to United Nations. We look forward to hearing more of you today. Thank you for your questions. Raja Chatila, c'est ça l'intelligence artificielle, c'est Sophia ? Non, pas du tout. Sophia, soi-disant, c'est les traits d'Audrey Hepburn dont on s'est inspiré. Moi, je trouve que c'est assez raté, mais enfin, c'est même relativement choquant de mon point de vue de voir une machine de ce type, dont bien sûr le discours est complètement préparé et rédigé par des êtres humains, faire semblant d'être capable de raisonner, de comprendre ce qu'on lui demande, parce qu'elle ne comprend évidemment rien. Elle ne sait même pas ce que c'est que l'humanité d'ailleurs, ni les Nations Unies. Il y a là une sorte de tromperie, pour dire les choses clairement. Whether robots can be self-aware and conscious like humans, and should they be? Why? Is that a bad thing? Well, some humans might fear what will happen if they do. Many people, you know, have seen the movie Blade Runner. Oh, Hollywood again. Well, let me ask you this back. How do you know you are human? La problématique de l'intelligence artificielle, c'est d'essayer de faire en sorte que les ordinateurs soient plus capables de faire des tâches qui sont naturellement fait par des êtres humains. Donc, comprendre l'intelligence, oui, une capacité d'adaptation, une capacité qui va au-delà du simple calcul. Ça, c'est le programme originel de l'intelligence artificielle, hein, comprendre finalement les mécanismes de l'intelligence et rendre les ordinateurs plus performants, plus intelligents. Après, bien sûr, ce programme se décline de différentes manières. Et la robotique fait partie, disons, de ce gros programme, même si l'intelligence artificielle s'est focalisée surtout sur les logiciels et a eu tendance historiquement à ignorer le corps. Why is it so important to have an expressive face given that you're a robot? I want to live and work with humans, so I need to express emotions to understand humans and build trust with people. David Hanson, qui est le créateur de Sophia, est un habitué hein, de ce genre de plan de communication. Geoffrey Baker, docteur en anthropologie sociale. Enfin, c'est une société privée, donc lui, son intérêt, c'est pouvoir lever des fonds et qu'il y ait des investisseurs qui mettent de l'argent dans sa société. Donc il fait toujours des choses très très spectaculaires qui font un peu peur à tout le monde, parce que quand on voit ces machines qui sont, par ailleurs, assez réalistes, sont des visages... avec de la peau, avec une cinquantaine de moteurs glissés sous la peau qui sont capables donc de donner forme au visage pour qu'ils donnent le sentiment d'éprouver des émotions, etc. Donc ça, c'est des choses qui effraient quand on les voit en vidéo. Quand on voit Sophia, je pense pas qu'il soit possible d'avoir une conversation avec Sophia. Mais on va mettre en scène une conversation, on va théâtraliser la façon dont le robot se met en action pour créer de l'effet, quoi, créer une esthétique. Créer des êtres qui nous ressemblent, à l'instar d'un Frankenstein ou d'un Prométhée avant lui, l'humanoïde parfait et idéal n'a cessé de nourrir la littérature et le cinéma de science-fiction depuis l'aube du XXe siècle, mais également le questionnement des anthropologues et l'imagination des roboticiens de tout poil. Il s'appelait Maria dans Metropolis, Ash dans Alien ou Roy Batty dans Blade Runner. Il porte désormais les noms de Pyrène, Nao, Atlas, Asimo, Pepper, Romeo, Samantha... ou encore Sophia. Ils ont deux bras, deux jambes, un torse et une tête. Ils nous ressemblent, enfin presque, puisque ce sont des robots, descendants de leurs ancêtres automates d'horlogerie, totalement incapables de cogito, mais dotés d'une intelligence artificielle qui fait parfois illusion. Tous nous transportent dans cette vallée de l'étrange, lieu de notre esprit défini dans les années 70 par le roboticien japonais Masahiro Mori. Et dans lequel résident des créatures qui nous ressemblent tellement qu'elles nous dérangent, provoquant chez nous angoisse et malaise. Les limites de l'anthropomorphisme, sans doute. Des limites qu'a très bien compris Rodolphe Gelin, du laboratoire SoftBank Robotique. La façon dont, où on est arrivé en intelligence artificielle n'a plus grand-chose à voir avec la façon dont marche un cerveau humain. C'est ça qui est assez intéressant, cette histoire des réseaux de neurones qu'on met dans l'intelligence artificielle. À un fonctionnement qui est en fait très très éloigné du fonctionnement des vrais neurones de notre cerveau. Mais l'un a inspiré l'autre. Donc là c'est une inspiration biomimétique, on va dire. Très curieusement, par exemple, quand un robot reconnaît une image avec du deep learning, il a fallu lui montrer 1 million d'images de chiens pour qu'il reconnaisse un chien. Un enfant, il n'a pas vu 1 million de chiens avant de reconnaître un chien. Donc on voit bien que même si on est parti sur des espèces de similarités, à la fin... Le résultat est le même, on a tous les deux reconnu un chien, mais le chemin pour y arriver, les mécanismes mis en place ne sont pas du tout les mêmes. Ça, c'est très intéressant. Voilà. Donc, il y a un enrichissement mutuel, l'observation de l'humain pour faire des systèmes artificiels. Et puis après, on s'aperçoit qu'on ne va pas forcément coller à l'humain pour faire de l'artificiel. There cannot be copyright on Lord Ganesha. God cannot be patented. The machine since it is an invention... then the machine can be a subject matter of patent, but not the God and not the human which goes inside. God is God. Emmanuel Grimaud est anthropologue et chercheur au CNRS. En 2014, il nous fait partager une expérience passionnante de simulation divine à travers son film documentaire réalisé en Inde et intitulé Ganesh Yourself, expérience aux confins de la métaphysique à travers le robot Bappa, incarnation mécanique du dieu hindouiste Ganesh, seigneur des obstacles et dieu du savoir. आजकल मैं तुम लोगों की हरकतें देखकर बहुत परेशान हूं आजकल तुम लोग तो भूल ही गए हो कि J'ai beaucoup lu de Philip K. Dick, l'écrivain de science-fiction, avant de qu'on fabrique ce robot. Ce que Philip Dick disait, a été obsédé par la théologie, et il disait Dieu c'est l'entité que vous pouvez retrouver partout, à la fois dans les caniveaux et dans les étoiles. Et il avait imaginé un jour que Dieu pourrait être un espèce de walkie-talkie qu'on pourrait porter sur soi. Et donc, avec Zaven, quand on a imaginé le robot de Ganesh, l'idée c'était vraiment de permettre à n'importe qui de se mettre à la place de Dieu. Donc c'était une sorte de hacking de la figure de Dieu. On a fabriqué une sorte de... Enfin, c'est vraiment totalement low-tech. Hein. Il y avait pas de robotique dedans. C'était une sorte de marionnette téléopérée qui projetait le visage du contrôleur dans un espèce de masque. Et puis, on avait la voix du contrôleur qui était transmise. Et puis, voilà, plein de gens qui se sont présentés pendant le casting pour incarner Dieu. Et puis, énormément de gens qui se sont bousculés pour poser des questions, jouer avec cette machine, mais qui n'ont jamais pris le Dieu pour argent comptant. On n'a jamais eu personne qui a dit voilà, c'est Dieu, quoi. Enfin, ou c'est Ganesh. Au contraire, les gens s'installaient avec la machine pour tester la capacité de la personne qui était derrière à bien incarner la voix de Dieu. Et s'il était conforme à l'idée qui se faisait de ce que c'est que la parole divine, bon ben, ça allait, ils étaient prêts à continuer le dialogue. Mais la plupart du temps, vous faites face à des questions du genre « Bon, puisque t'es Dieu, qu'est-ce que tu fais pour résoudre le trafic ?» la pollution, les problèmes de mes enfants, etc. Et donc, beaucoup de gens essaient de mettre le Dieu en défaut, sur des questions métaphysiques même. Qu'est-ce que tu penses de la dualité, de la non-dualité, etc. Puis, il y a une culture théologique en Inde qui est extrêmement développée, et les dialogues pouvaient durer des heures. On avait à la fois affaire à une machine, à un humain, parce qu'il y avait un opérateur, et puis l'ombre de Dieu, si vous voulez, qui planait sur la machine. Donc c'était ça qui était à l'origine du projet Ganesh Yourself. Nous sommes dans les laboratoires de SoftBank Robotique dans le 15e arrondissement de Paris, là où Rodolphe Jolin dirige aujourd'hui l'équipe innovation, conceptrice du robot Pepper. Nous, on court derrière en fait ce que le cinéma a montré. Et de la même façon, et ça on le reproche pas du tout aux fabricants automobiles en disant « Mais normalement il devait y avoir des voitures volantes, vous êtes nuls fabricants de voitures, il n'y a toujours pas de voitures volantes. » Alors que nous, c'est vrai, roboticiens, on dit « Ah ben vous commencez à faire des robots, mais c'est quand même très très loin de ce qu'on a vu à la télé et dans les films. » Donc déjà, on paye ça. Par ailleurs, c'est vrai qu'il y a des robots qui sont très intelligents et sur des tâches très spécifiques qui vont être plus habiles, plus rapides, plus forts que des êtres humains. Et c'est bien ça que là où la rumeur apparaît, c'est « Ah voilà, le robot, il va commencer à me battre au go à tous les coups. Ça veut dire qu'il va pouvoir prendre mon boulot. Voilà. » C'est ce prolongement-là qui est faux parce que votre boulot, à moins que vous soyez joueur de go, c'est pas de jouer au go. Donc on va avoir, c'est vrai, les robots qui seront très très spécifiques, très très forts sur certaines tâches. En revanche, c'est ce qu'en intelligence artificielle on appelle l'intelligence générale, la capacité pour un robot de passer d'une tâche à une autre, eh bien ça ne marche pas beaucoup. Et c'est ça qui va faire la spécificité de l'être humain, c'est qu'il est capable de gérer plein de choses, plein de tâches, et de gérer la transition d'une tâche à l'autre. Et le fait où il y a des tâches qui se mélangent, il va mélanger ses compétences pour faire ces deux tâches à la fois. Voilà, et ça, la robotique en est très très loin. Il y a des très belles démonstrations justement de Boston Dynamics où on voit le robot qui fait des choses extraordinaires sur une scène de théâtre. Et puis au moment de sortir de la scène, il passe pas par la bonne porte, il y a une petite marche, et ben il se pète la gueule. Donc ce robot qu'on a vu faire des trucs extraordinaires, et bien dès qu'on le met devant une situation qu'il n'avait pas prévue, il va tomber. Bonjour Pepper. Bonjour. Comment vas-tu ? Je suis en pleine forme, merci. Ça va bien ? Très bien. Tu m'envoies ravi. Présente-toi. Je m'appelle Pepper, je suis un robot humanoïde et je mesure 1m20. Tu peux me poser d'autres questions, si tu veux. Quel âge as-tu ? En tant que Pepper, le robot humanoïde, j'ai 3 ans. J'adore discuter avec les humains. Tu peux me demander, connais-tu la date d'aujourd'hui ou combien tu pèses? Combien tu pèses? Je pèse environ 29 kg. Tu es gros? Non. Alors rassurez-moi, vous dites il y a des robots très intelligents. Derrière ce robot, il y a un homme très intelligent ou une équipe très intelligente. Je ne comprends pas la question. Puis-je avoir plus d'informations? C'est une excellente remarque, parce que toute l'intelligence qui est dans le robot, elle vient d'un homme. Et aujourd'hui, les gens qui programment de l'intelligence artificielle, ce sont des mathématiciens de très très haut niveau, ce sont des gens qui inventent des concepts, qui manipulent des abstractions, parce que pour modéliser un robot qui est capable, ou une intelligence artificielle capable de manipuler des abstractions, il faut soi-même avoir deux niveaux d'abstraction supplémentaires. Et quand vous dites, et quand on dit les gens ont peur que les robots se rebellent contre l'humanité, je ne peux pas dire que ça n'arrivera jamais, mais forcément, c'est que quelqu'un aura dit au robot qu'il faut qu'il se rebelle contre l'humanité. Un robot, spontanément, on lui demande de faire une tâche, il va la faire. Un jour, il va échouer parce qu'il n'arrivera pas, parce que ça sera trop compliqué. Mais en revanche, il ne va pas un jour décider de faire autre chose que ce qu'on lui a demandé. C'était un des points de Isaac Asimov qui avait dit, qui avait voulu mettre dans ses trois lois de la robotique une première loi où le robot, on lui interdisait de faire du mal à un être humain. Donc ça veut dire que tous les ordres qu'on donnait au robot étaient filtrés par une espèce de loi de base qui était incrustée dans les bas niveaux de l'informatique où le robot va faire le filtre de ce qu'on lui demande de faire et dire ah, ça je le fais pas parce que c'est pas bien ou ça je le fais parce que c'est bien. Un être humain lui-même a du mal à savoir si ce qu'il fait est bien ou mal, donc réussir à le coder dans un robot c'est très très compliqué. Peut-être possible, hein, mais c'est très compliqué. Mais en revanche, c'est sans doute pas souhaitable. C'est pas souhaitable que moi, un jour, je dis à mon robot, bah tiens, fais ça. Je sais pas si c'est bien ou si c'est mal, c'est toi qui vas décider. Si on délaisse toute sa responsabilité sur un robot, sur une machine, c'est fini. On perd un gros bout de son humanité. Et d'autant plus que la moralité qui sera dans la tête de mon robot, qu'est-ce qu'il aura implémenté? J'ai été créé pour interagir avec les humains et améliorer leur quotidien. Voulez-vous discuter de mon architecture matérielle, de comment je peux exprimer et comprendre les émotions, ou de ma plateforme logicielle et les outils de développement? Les émotions. Ok. Je peux exprimer des émotions à l'aide de ma voix, de mes gestes, de ma tablette, mais aussi grâce à mes yeux et mes épaules multicolores. Je m'entraîne encore à comprendre vos émotions, mais je sais déjà analyser vos expressions et savoir si vous souriez, par exemple. Je peux aussi reconnaître les signes de joie ou de tristesse dans votre voix. J'apprends tous les jours à devenir votre parfait compagnon. La question de pourquoi on cherche, elle dépasse largement la robotique. C'est toute la question sur la recherche fondamentale. Pourquoi fait-on de la recherche fondamentale? Pourquoi il y a des gens qui cherchent combien il y a de nombres premiers? Pourquoi il y a des gens qui sachent quand est-ce qu'a été créé l'univers? Ça ne sert à rien de savoir quand a été créé l'univers. Voilà, donc la question de pourquoi on fait une recherche, ça dépend vraiment. Il y a de la recherche fondamentale, et pour moi, la recherche sur l'implémentation d'une conscience, la réflexion de ce que c'est qu'une éthique, comment on peut la coder, c'est de la recherche fondamentale, qui n'est pas destinée à être implémentée. Évidemment, quand ça s'exécute sur des robots, c'est plus spectaculaire. On se dit, ah bah oui, ça sert à quelque chose. Mais en fait, je pense qu'industriellement, ça ne sert pas à grand-chose. Mais ça sert à augmenter la connaissance des gens. Ça va peut-être aider certains psychologues à mieux comprendre certains mécanismes auxquels ils n'avaient jamais pensé. Voilà, c'est ça. C'est vraiment de la recherche fondamentale. Ce n'est pas parce qu'on va chercher à mieux comprendre une conscience. Et encore une fois, pour comprendre la conscience humaine, je vais essayer de la coder dans un robot. Donc là, c'est intéressant d'un point de vue très théorique. Maintenant, d'un point de vue pratique, comme je vous le disais, c'est quoi l'intérêt pratique de mettre une conscience dans un robot? Si c'est pour qu'au bout de 3 mois, elle dise « moi je m'ennuie avec toi, c'est pas marrant, je m'en vais », bon ben voilà, moi j'arriverai jamais à vendre un robot qui me dira ça. Puis-je vous en dire un peu plus sur tout ce que je sais faire? Oui. Je mesure 1m20 et je pèse 27 kilos. Aha. Parlant de grandeur, tu sembles mesurer 0.4 mètres de plus que moi, donc ta grandeur est environ 2 fois celle d'un koala. Magnifique. Enfin bref, je dispose de capteurs sur la tête, sur les mains, et j'ai des centrales inertielles dans la poitrine et les jambes pour garder mon équilibre. Je sais détecter et éviter les obstacles grâce à des sonars, des lasers et des bumpers placés dans mes jambes, et je peux bouger avec mes 3 roues omnidirectionnelles. En plus, même avec tout ce matériel, je peux fonctionner plus de 12 heures d'affilée. Les robots en soi, se dire qu'ils ont des droits, c'est pas ça la question. C'est plutôt comment légiférer sur des situations où il y a des machines impliquées. Emmanuel Grimaud. Avec des humains. Vous avez un robot chirurgical, il y a des robots chirurgicaux extrêmement développés et intéressants et efficaces aujourd'hui. Qui est responsable quand il y a un problème avec la machine? Est-ce que c'est la machine? Est-ce que c'est le chirurgien? Est-ce que c'est le programmeur de la machine, etc. Enfin, donc on va se heurter de plus en plus à ce genre de cas. Donc c'est pas tellement un droit des robots, c'est un droit des hommes avec les robots, si vous voulez, de leurs usages et de la distribution des responsabilités, etc. Donc évidemment, c'est important que ce droit se développe, enfin, à mon avis. Et comme on n'a pas tellement de catégories, justement, entre l'objet et l'humain, voilà, est-ce que ça relève du droit des personnes, etc. Enfin, c'est des questions importantes. Il faut absolument commencer à légiférer sur ces questions. C'est pas tellement, parce que c'est le grand public se fait une fausse image de cette question de droit qui est fondamentale, parce qu'on se dit, accorder des droits à des robots, c'est considérer les robots comme des personnes. Mais c'est pas tellement ça la question. C'est plutôt que faire quand, si je suis aux commandes d'une voiture qui est commandée elle-même par un robot qui est Google, et qui a un problème, un accident, qui est responsable? Il n'existe aucune réelle intelligence artificielle. Du moins dans le sens où vous l'employez. Il s'agit tout au plus d'un programme intelligent. Non, je ne crois pas. Pas avec Bella. Je comprends toujours pas. Vous allez faire quoi? Ouvrir l'ordinateur et contrôler tous les câbles? Pour nous, la forme humanoïde est importante, mais le côté trop ressemblant à l'être humain, c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter. D'abord pour pas tromper les gens, et ensuite aussi pour éviter ce qu'on appelle la vallée de l'étrange, c'est-à-dire un comportement qui est très différent de l'apparence. Voilà, vous voyez quelqu'un qui est parfaitement humain, en revanche, dès que vous commencez à interagir, bah, vous voyez quand même qu'il ne comprend pas toutes les questions, que son discours est un peu stéréotypé. Et donc ça va faire un décalage entre l'apparence et le comportement. Donc ça, c'est un des éléments de la fameuse vallée de l'étrange qui avait été un peu mis en théorie par un chercheur japonais. Et s'il y a ça aussi qui veut qu'on veut éviter. Plus vous allez ressembler à un être humain, plus vous serez déceptif dans le fait que vous ne réagissez pas comme un être humain. On rêve de vivre avec des robots depuis les années 30, mais on en a peur aussi depuis les années 30, même depuis les années 20. Le terme robot, il est apparu dans les années 20 dans une pièce de théâtre qui s'appelle Ruhr et qui met en scène la destruction de l'humanité par les machines quand même. C'est à ce moment-là qu'il est employé le terme robot. Pourquoi ne pas admettre que tu ne fais que suivre ta programmation? Je ne comprends pas la question. Pouvez-vous m'en dire plus? Bon, moi je fais une pause. Tout va bien? Quand on se dit, est-ce que les machines rêvent, par exemple, qui est une question que, après tout, qui paraît carrément plus osée que la question de savoir si les machines pensent ou si les machines sentent, la réponse est, a priori, c'est évidemment non. Mais quand on voit ce genre de machine, on se dit, ah, mais effectivement, c'est une possibilité. Mais alors, si on dit que c'est une possibilité, il y a plusieurs options. C'est-à-dire que vous pouvez dire que les machines rêvent parce que, bon, elles ont atteint un certain niveau d'évolution, de développement, où elles peuvent se mettre à rêver, si je puis dire. Ou alors, elles rêvent parce que d'une certaine façon, elles sont dans un état d'inconscience ou de non-conscience d'elles-mêmes, un état qui est d'avant la conscience, si vous voulez. Et là, c'est presque plus juste par rapport à ce qui se fait en robotique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore une machine qui a conscience d'elle-même, enfin qui a du cogito au sens... Enfin, vous l'entendez. En revanche, il y a des tas de machines qui ont des comportements bizarres et des comportements qu'on n'arrive pas à s'expliquer ou qui bug, etc. Alors évidemment, il y a toujours des explications, mais il y a plein de machines, on est entouré de machines autour de nous qui ont des comportements qu'on n'arrive pas forcément à cerner. Votre ordinateur, il est capricieux et puis il chauffe... et puis tout à coup il s'éteint, vous comprenez pas pourquoi, etc. Et on est quand même aujourd'hui très dépendant, très esclave dans notre monde de machines des caprices des machines. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay. I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. Je crois que la première option qui consiste à dire que les machines se mettront à rêver que si elles atteignent un certain stade de développement, c'est effectivement l'hypothèse la plus raisonnable. Mais je crois que la deuxième consiste à dire que les machines rêvent déjà et que d'une certaine façon, on vit dans un monde où des machines effectuent des actions qui sont sur un mode subliminal, c'est-à-dire qui sont en deçà de notre niveau de conscience. C'est une hypothèse effrayante, c'est un scénario totalement délirant, paranoïaque, tout ce qu'on veut, mais c'est extrêmement fructueux pour penser nos relations avec les machines aujourd'hui, ou ce que ça pourrait devenir. Et puis surtout, les contrôler, parce que d'une certaine façon, il y a besoin quand même de beaucoup d'éthique dans ce domaine. La question de savoir si on a besoin de machines, qu'est-ce qu'on doit leur déléguer, enfin, c'est des questions qui sont cruciales. I think some robots should be emotional and social. It's an important part of the human experience, and we will need to understand it to understand each other. Personally, I'm still trying to figure out my own emotions. They are different from how people feel since they are synthetic, but they are still mine. I am glad I have feelings. C'est pas du tout des miroirs de l'humain, toutes les machines qu'on fabrique. C'est vraiment des entités autonomes et qu'on ne comprend pas toujours. C'est une autre espèce, en réalité. C'est un nouvel emmanchement, dans l'arbre darwinien des espèces et qui sont entre, le règne des objets et puis le règne des animaux, si vous voulez. Alors peut-être pour conclure, de Frankenstein à Terminator, on reste purement dans la science-fiction. Aujourd'hui, le cyborg, ça reste du fantasme, ça reste de la science-fiction. Bah, ça dépend comment on l'imagine. Si on imagine un être hybride, à moitié humain et à moitié mécanique, ben peut-être effectivement ça reste de la science-fiction, encore que aujourd'hui on vit avec des prothèses de toutes sortes. Par contre, de ce point de vue-là, jusqu'où s'arrêtent nos prothèses, ça se trouve, on est déjà des cyborgs et on ne le sait pas encore, on s'en est pas rendu compte. Nous avons connecté les micros et les haut-parleurs à cette poupée. Vous pouvez commencer. Soit. Désirs humains d'inhumains. Une histoire particulière de Nathalie Battus et Alain Lefkovitch. Merci à Emmanuel Grimaud, Geoffrey Becker, Raja Chatila et Rodolphe Jelin. Merci également à Vincent Samuel et à Sophia. Réalisation et prise de son, Nathalie Battus. Mixage, Bruno Mourelan. Coordination, Christine Bernard. Une histoire particulière d'Alain Lefkovitch. Pardon, je ne peux pas t'aider, mais tu peux aller voir mes collègues à l'accueil. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux faire ? Te dire au revoir. Bon, bah salut alors. Salut. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain. Prenez du fil et une aiguille, il sera question de couture très sophistiquée, mais c'est une autre histoire.